Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est notre lointain cousin qu'évoque aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'homme de Néandertal, notre cousin sûrement, mais notre ancêtre aussi semble-t-il. Ça fait partie des nombreux mystères auxquels nous allons nous intéresser aujourd'hui. Un documentaire « Qui a tué Néandertal » sera diffusé prochainement sur France 5. Oui, je reçois avec plaisir deux de ses auteurs, Éric Pincas et Thomas Sirotto. Marilène Patoumatis nous fait aussi l'amitié d'être des nôtres cet après-midi. Elle est à l'origine de l'exposition « Néandertal », expo qui vient d'ouvrir là au Musée de l'Homme. Alors avant de faire le point sur toutes ces nouvelles avancées, je vous propose de revenir, à titre de préambule, sur une découverte plus ancienne, celle du mystérieux homme de la chapelle au Saint, en 1908. À la fin du 19e siècle, les élèves du séminaire du Saint-Sulpice, on est à Issy-les-Moulineaux, hein, tout près de Paris, ces élèves de Saint-Sulpice ont des centres d'intérêt auxquels on peut s'attendre. Ils étudient les évangiles, ils comparent les pères de l'Église, ils discutent des rapports tendus entre les mondes politiques et religieux. Mais ce n'est pas tout. Certains s'éprennent aussi de sujets très différents et même de sciences. Il faut dire qu'un professeur du séminaire, le père Jean Guibert, sait transmettre sa passion pour les sciences naturelles et notamment pour la paléontologie, qui à l'époque est une discipline émergente, évidemment. À une époque où la théorie de l'évolution de Darwin et toutes ses implications continuent de faire débat, et c'est le moins qu'on puisse dire, les découvertes de restes d'hommes préhistoriques alimentent les discussions, et ce sont des discussions qui souvent sont assez enflammées. Le père Guibert est clair, pour lui, l'idée d'une évolution de l'espèce humaine au fil des millénaires peut tout à fait s'accorder avec la foi chrétienne. Sur les bancs du séminaire, deux étudiants d'une vingtaine d'années sont tout particulièrement attentifs au discours du père Guibert. Un natif de Normandie, Henri Breuil, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler à ce micro, et puis un Corrézien, Jean Buissonni. Pour eux, c'est une révélation. Et lorsqu'ils vont sortir du séminaire, ils continueront, figurez-vous, d'approfondir leur connaissance du passé, un passé de l'espèce humaine qui, à l'époque, est considéré comme tout à fait nébuleux. Jean Buissonni est ordonné prêtre, finit ses études dans les premières années du XXe siècle. Il est bientôt envoyé dans sa ville natale, à Brive, où il devient enseignant, aux côtés de son frère Amédée, qui lui aussi est prêtre. Et dès lors, les deux abbés, si je puis dire, s'aventurent dans les reliefs du massif central. Ils sont en quête de lieux de fouilles potentiels. Il y a là d'autres férus de paléontologie, dont un autre membre de leur fratrie. Ça devient aussi l'objectif des sorties scolaires qu'ils organisent à la fin de chaque année. On peut imaginer leur engouement, leur soif de découverte. C'est une nouvelle discipline qui est en train de naître. Et on les voit progresser sur les sentiers accidentés, examiner un petit peu partout les cavités rocheuses, qu'on appelle localement des bouffias. Leur matériel est rudimentaire, leur temps est limité, leur enthousiasme, lui, reste entier. Ils sont comme à l'époque où ils étaient sur les bancs du séminaire. Vous savez, une bouffia proche du village de La Chapelle au Saint, au sud de la Corrèze, attire tout particulièrement leur attention. Les frères Buissonni décident de la scruter, d'y revenir, et bien leur prend. Car c'est là que, pendant l'été 1908, en creusant dans une couche ancienne du sol, ils font une découverte remarquable. Un crâne humain, et ça n'est pas tout, il dégage aussi des ossements tout autour. Il s'agit d'un squelette aux jambes recroquevillées, un squelette presque entier. Ce sont des connaisseurs qui découvrent ce squelette. Ils observent la similarité entre cet homme préhistorique et les fameux hommes de Néandertal. Ceux-ci tirent leur nom de la vallée de Néander, hein, Néandertal, à quelques kilomètres de Düsseldorf. C'est là que d'étranges ossements d'hommes préhistoriques avaient été exhumés un demi-siècle plus tôt, en 1856 précisément. Alors à l'époque, leur conformation surprenante avait désarçonné. On avait du mal à classer cet homme. On ne savait pas trop à quoi il appartenait. Il y avait eu pas mal de débats à l'époque. Autrement dit, le squelette de la chapelle au Saint n'est pas un homo sapiens. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Il présente un caractère nettement plus ramassé, la forme du crâne est fuyante. On note aussi une sorte de bourrelet osseux au-dessus des orbites oculaires qui va tellement être interprété par tant et tant et tant de, ensuite de spécialistes. Bien entendu, Jean Buissonni ne tarde pas à faire part de sa découverte à son ami, à son ancien camarade de séminaire, qui lui aussi est devenu abbé, l'abbé Breuil. C'est lui qui lui recommande de se tourner directement vers Marcelin Boule, professeur de paléontologie au Muséum national d'histoire naturelle. Alors les frères Buissonni se disent qu'après tout c'est sans doute un bon conseil. Ils envoient à l'éminent scientifique un cliché des ossements accompagné d'une sorte de note de synthèse. Et ils font mouche. La curiosité de Boule est pour le moins excitée. Ce squelette doit pouvoir permettre de faire beaucoup avancer la connaissance sur l'homme de Néandertal et permettrait sans doute de beaucoup mieux reconstituer son apparence. Comme le raconte Arnaud Hurel, la qualité de la découverte n'empêche pas des faiblesses dans les fouilles. Pressés par le temps et les circonstances, les Buissonni n'ont peut-être pas fait preuve d'une absolue rigueur, nous dit-il. De fait, en octobre 1908, en déballant dans son laboratoire du muséum une première caisse d'ossements, Boule constate la perte de quelques os de la base du crâne et beaucoup de cassures fraîches qui prouvent que des os des membres ont été brisés lors de l'extraction et que certains n'ont même pas été recueillis. Marcelin Boule encourage donc les frères Buissonni à persévérer. Il y a encore des trésors à sortir de cette terre de la Bouffia. Et en effet, les chercheurs vont encore, en fouillant davantage, mettre la main sur des éléments importants du fameux squelette. Et de son côté, Boule avance dans son étude des ossements. Ça doit être passionnant pour lui. À cette époque, une forte concurrence existe entre paléontologues au niveau mondial. Boule a conscience que le néandertalien de la chapelle au sein peut faire sensation. Il se dit que, après tout, ça pourrait peut-être faire passer au second plan les découvertes au même moment d'un chercheur suisse qui s'appelle Otto Hauser. Celui-ci n'a pas bonne réputation. Il faut dire qu'il marchande des ossements retrouvés en France avec des étrangers. Même pire, il est en train d'en céder à des Allemands. On est en 1908, ne l'oubliez pas. Ça choque beaucoup de monde à l'époque. Arnaud Hurel raconte « Tout est fait pour minimiser, pour marginaliser, voire escamoter le squelette trouvé par Hauser, dont Boule conteste l'intérêt scientifique par la façon dont il a été repéré au point de vue stratigraphique et surtout par la manière dont il a été extrait et restauré. » Ça, ce sont les propos de Boule lui-même. « À ce document de piètre valeur, dit le bonhomme, savants et journalistes opposent le désintéressement des chercheurs français, l'exemplarité de travaux irréprochables. C'est vrai, l'homme de la chapelle au sein va marquer une étape très importante dans l'histoire de la paléoanthropologie. Il va aussi être la source de débats passionnés, y compris entre Buissonni et Marcelin Boule, vous l'imaginez. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Néandertal jusqu'à 15h sur Europe 1. Alors Franck, vous venez de nous raconter la découverte réalisée dans une grotte par des prêtres corréziens, les frères Buissonni, c'était en 1908. Ils ont retrouvé le squelette presque complet d'un homme de Néandertal. De quoi faire considérablement avancer la recherche, mais pour qu'on soit bien dans le contexte de l'époque, est-ce que cet événement a eu un retentissement dans le grand public? Dans un premier temps, les frères Buissonni n'ont pas trop parlé de leur découverte. Ils ont agi en passionnés, ils ont transmis leur découverte à d'autres spécialistes et c'est vraiment Marcelin Boule qui va provoquer, lui, un engouement autour de cette découverte dans les années 1808-1909. Je cite de nouveau Arnaud Hurel, qui est l'auteur d'un article très précieux sur le sujet. Après une présentation à l'Académie des sciences, assortie d'une conférence de presse du directeur du muséum, en quelques jours, les journaux s'emparent de la découverte. Alors là, oui, on peut le dire, les quotidiens à grand tirage proposent plusieurs fois en une cet événement. Et la découverte des frères Buissonni va, on peut le dire, là marquer l'époque. Tout le monde s'y intéresse. On voit Georges Clémenceau, qui est président du Conseil, s'intéresser à la question. Il vient même rencontrer Marcelin Boule. Je trouve que Clémenceau a quelque chose de Néandertal, d'ailleurs. Mais enfin, je ferme très vite cette parenthèse parce que je vais encore me faire insulter. Cet écho important a donc des conséquences diverses. D'abord, c'est un coup de projecteur formidable sur la paléontologie, qui est une discipline à l'époque mal intégrée dans le monde universitaire. universitaire et dont le moins qu'on puisse dire est que les fonds publics dont elle bénéficie sont assez limités. Et par ailleurs, la presse a tendance à diffuser de l'homme de Néandertal cette image que Marcelin Boule va fixer, si l'on peut dire, hein, une image un petit peu faussée. C'est Marilène Patoumatis qui l'explique. Je la cite, « Lors de la reconstruction du crâne, en assez mauvais état, Boule, qui accentua les caractères simiesques, conforta le regard infériorisant porté sur les Néandertaliens au tout début du XXe siècle. » La remarque que je viens de faire sottement montre qu'au tout début du XXe siècle, ça n'a pas tellement changé, somme toute. Dans sa remarquable étude, ajoute Marilène Patoumatis, parue dans les Annales de la paléontologie entre 1911 et 1913, ses conclusions étaient sans appel. Pour cet anthropologue, l'homme de la chapelle aux singes était un être intermédiaire entre les grands singes et l'homme actuel. Il n'avait pas totalement la maîtrise de la bipédie et n'avait aucun lien avec les hommes découverts dans l'abri Cro-Magnon aux Aisy-en-Taillac, donc en Dordogne. Ainsi, pour Boule, l'homme de Néandertal serait une sorte de version archaïque de l'espèce humaine, nettement distancée par l'Homo sapiens, et ce serait de surcroît un rameau desséché de l'espèce humaine. Et voilà le véritable débat qui va nous intéresser pendant toute cette émission. Le voilà posé, ce débat. Boule écrit, je le cite, « Y a-t-il eu simple déplacement, migration ou bien extinction sur place ? Je l'ignore. En tout cas, il est impossible d'indiquer parmi les nombreux groupes ethniques actuels celui qui pourrait être considéré comme le descendant des Néandertaliens. » Il n'empêche, à l'époque, l'idée de trouver des traces de Néandertal chez des êtres humains contemporains, cette idée-là fascine. Toutes sortes de personnes, plus ou moins sérieuses, disons-le, vont se mettre à chercher dans l'Europe de la Belle Époque des hommes aux caractéristiques physiques supposées similaires, et ils prétendent en trouver. Reste que, comme le souligne la découverte de la chapelle aux singes, les Néandertaliens et Homo sapiens ont dû coexister de près ou de loin pendant une époque plus ou moins longue. Tout ça renvoie les scientifiques à des débats difficiles, très sensibles. Est-ce que l'espèce humaine est une ? À quel point son évolution a-t-elle suivi des chemins parallèles ou distincts ? Voyez les questions philosophiques que cela sous-tend, bien sûr. Autre débat important qui vient en quelque sorte télescoper celui sur le caractère supposé archaïque de Néandertal. Quand les frères Buissonni ont retrouvé les ossements de la chapelle aux singes, ils ont été étonnés par la position du corps avec les jambes recroquevillées et la tête surélevée sur le rebord rocheux. Ils ont aussi identifié toutes sortes d'objets autour du corps, et notamment des petits ossements d'animaux, notamment une patte probablement d'aurochs. Et tout ça laisse entendre que l'être en question pratiquait des rites funéraires, ce qui renvoie à des capacités cognitives nettement plus importantes que ce qu'on laissait entendre il y a encore un instant. Et on pense évidemment que ces hommes de Néandertal auraient eu la pensée d'un au-delà, des liens sociaux très développés, des rites, etc. Les Buissonni tendent à le croire, pour eux, l'homme qu'ils ont retrouvé aurait bien été enterré dans la bouffia corrézienne. L'abbé Breuil, que cite Arnaud Hurel, se montre affirmatif. Le fait d'une inhumation intentionnelle s'impose sans contredit. L'homme de l'époque de la pierre taillée ancienne avait donc des rites funéraires. Il n'était pas dépourvu de la croyance à une autre vie, puisque pour le grand voyage de l'au-delà, il avait donné des provisions aux défunts. Et l'abbé Breuil se mouille, si j'ose l'expression. En revanche, Marcelin Boule, lui, est beaucoup plus réservé. Et vous aurez compris que c'est dans la logique de ce qu'il a jusqu'alors exprimé. « N'ayant vu la fosse que longtemps après son déblaiement, dit-il, je ne saurais scientifiquement rien affirmer. Je ne puis que m'en rapporter sur ce point aux auteurs des fouilles, et je le fais d'autant plus volontiers que je les tiens pour de bons observateurs. » Boule a beau essayer de noyer le poisson, l'important est bien qu'à ses yeux, on ne puisse scientifiquement rien affirmer. Pour lui, de toute façon, l'homme de Néandertal avait vraisemblablement une intelligence limitée. Vous voyez quand même que les présupposés jouent un rôle très important dans les conclusions que les uns et les autres sont amenés à tirer. Alors, sur tous ces débats, qui est dans le vrai, qui est dans le faux, on va le voir, plusieurs spécialistes ont prolongé avec succès le travail de Marcelin Boule, des frères Buissonni, de l'abbé Breuil bien entendu, de quoi dissiper quand même quelques mystères. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Néandertal jusqu'à 15h sur Europe 1. Néandertal, un homme sur lequel plane beaucoup de mystères, oui, Franck. Alors, vous imaginez bien qu'au fil des décennies, de nouvelles recherches qui sont permises par les outils d'analyse de plus en plus sophistiqués dont on dispose, ces nouvelles recherches vont livrer des précisions sur l'homme de la chapelle au sein, précisions très précieuses. Voici ce que nous dit Marilène Patou-Mathis. Il faudra attendre les études menées dans les années 1950 et la nouvelle reconstitution du crâne réalisée par le paléo-anthropologue Jean-Louis M. entre 1984 et 85, pour que son image change. Ce vieillard édenté et arthritique, âgé d'entre 50 et 55 ans, appartient au groupe des néandertaliens classiques. La mandibule est presque complète, mais présente une résorption de l'os au niveau des alvéoles des molaires, qui prouve qu'elles ont été perdues ante mortem. Les sédiments recouvrant le squelette contenaient un outillage lithique attribué à l'industrie kina, ainsi que des ossements d'animaux. Il aurait entre 54 000 et 45 000 ans. Surtout, disons-le, la vision portée sur les Néandertaliens va évoluer. On est maintenant loin de l'image archaïque évoquée par Marcelin Boule et caricaturée par tous ceux qui, à l'époque, ont voulu propager sa pensée. On peut même parler au fil des décennies d'une forme de réhabilitation qui met en évidence un certain nombre de ressemblances avec l'homme moderne, au risque peut-être de tomber maintenant dans une idéalisation excessive et même ambiguë des Néandertaliens. Quoi qu'il en soit, leurs capacités cognitives, sociales, culturelles ont été réévaluées. À cet égard, l'homme de la chapelle au sein apporte d'ailleurs sa contribution. La question tant débattue des rites funéraires dont il aurait été ou non l'objet a été tranchée. La publication en 2013 des résultats des nouvelles fouilles dirigées par Thierry Bismuth, Cédric Beauval et William Rendu, nous dit Marilène Patou-Mathis, confirme que ce néandertalien a été intentionnellement inhumé. En revanche, l'hypothèse que les objets entourant le corps, notamment la patte d'un aurox ou d'un bison, étaient des offrandes, a été invalidée. Vous voyez que tout ça est quand même plus subtil qu'on pourrait l'imaginer. Par ailleurs, la question des rapports entre Néandertal et Sapiens a connu un rebondissement important. En effet, des études génétiques récentes ont montré l'existence dans le génome de la population européenne et asiatique d'aujourd'hui d'entre 1 à 4% de gènes néandertaliens. Néandertal et Sapiens ont donc eu des relations intimes, bref, une postérité commune. On le voit, chaque génération de scientifiques apporte des éléments inédits et petit à petit, la compréhension de qui était l'homme de Néandertal, cette compréhension tend à progresser, même si aujourd'hui encore, bien des énigmes demeurent à son sujet. Pour certains chercheurs comme Antoine Balzo, l'optimisme peut être de mise, je le cite, de nouvelles techniques, des trouvailles inattendues, des approches originales permettront bientôt d'encore approfondir notre connaissance de l'évolution de la biologie et des comportements de l'espèce humaine la plus proche de la nôtre. L'enquête n'est pas finie, mais non, elle ne fait que commencer. Bonjour à vous tous, bonjour Marilène Patou-Mathis, bonjour Éric Pincas, bonjour Thomas Sirotto. Bonjour Franck. Alors on va parler de votre film qui sera diffusé très vite là sur France 5. Le 10 avril. C'est mardi prochain. C'est mardi prochain, exactement. Vous vous êtes intéressé, vous, à cette énigme, Éric Pincas, de la fin de Néandertal. Vous aviez écrit un livre, vous étiez demandé qui avait tué Néandertal. En 2014, j'avais publié un livre qui a tué Néandertal. Que nous avons eu la chance de pouvoir adapter à la télévision. Et depuis 2014, en fin de compte, il s'est passé plein de choses passionnantes. Il a fallu même réactualiser. Remettre à jour, tout à fait, réactualiser toutes les nouvelles découvertes qui ont été faites depuis la publication du livre. Oui, c'est-à-dire que ça va à une vitesse folle. Alors, ça tombe bien, nous avons dans ce studio, j'allais dire, l'ambassadrice extraordinaire du peuple néandertalien. Donc, Marilène conseillère scientifique sur le film, d'ailleurs. Conseillère scientifique sur le film, évidemment, absolument incontournable. Vous êtes l'auteur notamment de ce Néandertal de A à Z, ce dictionnaire néandertal, et puis de la commissaire de cette exposition sur Néandertal. Exposition qui va elle aussi surprendre le public. Vous avez des choses à nous annoncer ? Voilà, déjà, je suis commissaire avec Pascal Depape, qui est responsable à l'INRAP des Hauts-de-France. Et donc, nous avons, je crois, essayé en tout cas de surprendre le public, mais surtout plutôt d'essayer de lui faire ressentir vraiment des choses, une certaine émotion. Par exemple, nous avons vraiment bataillé pour avoir que des originaux. Vous savez, c'est pas facile. Eh oui, il n'y a donc pas de facsimilés. Exactement, c'est-à-dire que les crânes qui sont présentés, les restes humains, sont vraiment les originaux. Donc c'est quand même au niveau de l'émotion. Et surtout, nous avons bataillé pour avoir la fameuse calotte de Néandertal, donc trouvée près du Düsseldorf. 1856, et là, c'était pas facile, parce que, voilà, elle est au musée de Bonn, et c'est un peu ma calotte. On s'est battu quand même pour la faire sortir. On a aussi une pièce exceptionnelle, parce qu'elle sort rarement aussi, c'est Spi. Parce que la grotte de Spi est très importante. À la fin du siècle, 19e siècle, pardon. On avait découvert, donc, dans la grotte de Spi, deux squelettes. Un homme et une femme, et là aussi on avait beaucoup bataillé à savoir est-ce qu'ils étaient enterrés ou pas. Voilà, il y avait aussi beaucoup de débats. Et donc là aussi on a cet original. Donc c'est des choses. On est dans l'émotion aussi sur l'environnement. C'est important d'être dans l'émotion et on a essayé de reconstituer un environnement, je pense, qui est sensible pour le public, pour montrer que là aussi faire tomber un peu les préjugés. Ils n'ont pas vécu seulement dans les périodes glaciaires, dans la toundra gelée. Hein, ils ont vécu dans les périodes interglaciaires et glaciaires. Et c'est important. Parce que justement, on a souvent dit que une des raisons de la disparition, c'était un coup de froid qui avait tué. Non, les Néandertaliens, c'est 350 000 ans de vie, donc c'est long. Et ils ont connu des phases glaciaires et des phases interglaciaires. Oui. Vous avez la réponse à la question d'Éric Pincas, qui a tué Néandertal. Vous étiez déjà venu nous en parler il y a quelques années, mais tout le monde n'a pas forcément écouté cette émission. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hypothèses, comme il est dit dans le film, et aussi, nous, on met toutes ces hypothèses dans l'exposition, parce qu'on n'a pas voulu donner, Pascal Depape et moi-même, notre opinion. Donc, on a mis toutes les opinions présentées par différents chercheurs. Moi, je suis adepte vraiment d'un problème démographique. C'est-à-dire que cette hypothèse-là me paraît quand même tenir la corde, parce que là, on sait très bien l'importance de la démographie, autant dans une surpopulation qu'au contraire un manque, donc une chute de démographie. Donc, c'est vrai que ça me paraît important. Mais comme vous l'avez dit très justement, le problème maintenant il est compliqué pour nous, parce que qu'est-ce qui a disparu ? Si on remet en cause actuellement, comme le font certains paléanthropologues, peut-être que nous sommes de la même espèce, les Denisoviens, l'homme de Denisova, vous savez, qui a été découvert dans l'Altaï. Non, je ne sais pas, mais vous allez nous dire. Mais si, je suis sûre, vous savez, qui a été découvert, le troisième type, comme on disait, qui a été découvert dans l'Altaï, Néandertal et puis Sapiens. Si on dit que c'est la même espèce, c'est dans la grande variabilité, que c'est des notions de sous-espèces différentes. Donc, si c'est la même espèce, qu'est-ce qui a disparu ? Peut-être les civilisations néandertaliennes. Mais vous voyez, on rebat un peu les cartes. Néandertal se serait fondu dans Sapiens, d'une certaine manière. Il y en a quelque part, voilà, c'est un peu l'hypothèse de certains. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au niveau aussi de leur tradition culturelle et tout, mais comme d'autres civilisations, ils ont disparu. Ce qui est certain, et c'est ce que nous explorons dans notre film, comme une enquête, un thriller préhistorique, on examine toutes les hypothèses, le génocide, la dilution génétique, les épidémies, les conflits, avec tout Sapiens. Ça, voilà, toutes les pistes sont explorées, et en fin de compte, ce qu'il ressort, c'est qu'on ne peut pas poser la question de la disparition de Néandertal en essayant de trouver une réponse exclusive. Et unique, oui, tout à fait. Voilà, la disparition de Néandertal, elle est plurielle. C'est une conjonction d'éléments qui ont conduit à sa disparition. Et l'absorption génétique. Et sur le très long temps. Voilà, toujours là, penser. Vous avez tout à fait. Voilà. C'est progressif, c'est pas d'un seul coup et on s'est levé, il n'y avait plus un Néandertalien. Voilà, mais ce qui est formidable quand même, et depuis 2014, ce qui a radicalement changé aussi la vision des choses d'une certaine manière, c'est que, et moi j'avais paniqué au moment où mon livre partait chez l'imprimeur. Juste à ce moment-là. Au moment où le livre partait chez l'imprimeur, on apprenait qu'il y avait un certain nombre de laboratoires qui réexaminaient les datations de la disparition de Néandertal. Jusqu'à présent, on pensait que Néandertal avait disparu il y a environ 30 000 ans. Et grâce à des nouveaux systèmes de datation, où on arrive aujourd'hui à purifier le collagène extrait de l'os pour le protéger de toutes les contaminations d'éléments de particules modernes, voilà, on arrive aujourd'hui à savoir que Néandertal aurait disparu plus précisément vers 39 000 ans, donc 9 000 ans plus tôt. Ce qui raccourcit la période de cohabitation avec Sapiens et qui pose encore plus la question de savoir de leur relation sur 5000 ans, puisque Néandertal disparaît au moment de cette cohabitation avec Sapiens. Pour ajouter, c'est important, c'est-à-dire que là, c'est tout à fait d'accord, mais c'est quand même sur des sujets qui sont plutôt de l'Europe occidentale, ce qui est différent en Europe orientale, où probablement ils ont survécu un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps, oui. Le choc a été moins violent, probablement. Nous allons dans un instant revenir sur tout ça, mais avant, j'aimerais quand même qu'on revienne à Marcelin Boule, à notre affaire de la chapelle au Saint, à ces découvertes que je racontais tout à l'heure. Ça tombe bien, vous avez dans votre dictionnaire Néandertal de A à Z, Marie-Hélène Patou-Matisse, une entrée la chapelle au Saint, évidemment, et une bien entrée sûr. Marcelin Boule. Oui. D'ailleurs, Marcelin Boule, bon, nous y venons. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Néandertal jusqu'à 15h sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Marilène Patoumatis, elle est préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, co-commissaire de l'exposition Néandertal, l'expo au Musée de l'Homme à Paris jusqu'au 7 janvier 2019. Il y a le temps de voir cette exposition, vous la recommande. Et puis auteur du dictionnaire Néandertal de A à Z. Oui, il y a le temps, mais vous avez commencé. Quand on se dit on a le temps, on finit par se rendre compte qu'on n'a pas pris le temps, justement. Ah, donc il faut aller au Musée de l'Homme, ne serait-ce que parce que l'endroit est extraordinaire. Oui. Et il faut voir cette exposition, donc Néandertal, vous l'appelez comment l'exposition Néandertal Néandertal, l'expo. L'expo. Hein, tout simplement. Ouais. Alors, je parlais de votre dictionnaire, là, ce Néandertal de A à Z. Je suis allé voir à l'entrée la chapelle au sein. Bon, dès 1912, écrivez-vous, Boulle émet des réserves sur le caractère intentionnel de la fosse dans laquelle reposait le squelette. Ça, c'est toute la question, c'est tout le débat. Ce doute perdure jusqu'à la publication en 2013 des résultats des nouvelles fouilles, etc., dont je parlais tout à l'heure. Un siècle pour se faire une idée sur l'intentionnalité ou non de la sépulture. Mais vous savez, c'est toujours discuté. Et ça, moi, quand j'étais étudiante et tout, c'était absolument pas validé par notamment les collègues anglo-saxons. Il y a une réticence. Certains d'ailleurs, il y a même cet article récent 2013-2015 parce qu'il y a eu des réponses, ça a été attaqué, notamment par les Américains, par les collègues américains. Il y a une espèce de rejet de la possibilité que les Néandertaliens enterrent leur mort, que les Néandertaliens, même encore dans les années récentes, aient des pensées symboliques. Ça nous rassure d'imaginer que ce cousin lointain n'était pas suffisamment développé pour ritualiser ses funérailles. Je pense peut-être que, vous savez, les chercheurs sont dans leur histoire personnelle, dans leur histoire de leur société. Et donc, ils sont pas dans une tour comme ça à pouvoir être objectifs totalement. Il y a une certaine subjectivité. Et je crois que aux États-Unis, l'influence, on va dire, je cherche mes termes pour pas choquer les gens, l'influence de la religion est peut-être plus importante. Alors même, bien entendu, ces collègues-là sont absolument pas créationnistes. Hein, je veux pas du tout dire bien sûr. Loin de là, loin de là. Mais quelque part, on sent quand même qu'il faut mettre une différence entre ceux d'avant, dont les Néandertaliens, et mais nous. Donc il y a toujours ça, et on voit la réticence pour l'art, pour le fait tout ce qui est symbolique. La subsistance, maintenant, il n'y a pas de souci. Néandertal, c'est un bon artisan, un grand chasseur, etc. Mais tout ce qui va toucher à la symbolique, la métaphysique, et là, ça y est, c'est pas possible. Et oui, mais parce que là, ça touche à d'autres conceptions. Et ce que vous nous dites, vous, d'une certaine manière, c'est que Néandertal était différent de Sapiens, mais qu'on peut pas pour autant dire qu'il était supérieur ou inférieur. Non, je crois qu'il faut faire très attention. Moi, je me suis battue très longtemps parce que justement, il y avait cette notion d'infériorité. Mais je crois qu'il faut être raisonnable et il faut mettre ce différent, mais point, d'abord accepter les différences. Je crois que c'est ça, d'abord, c'est très profitable. Mais ne pas préjuger. Qu'est-ce que ça veut dire de classer inférieur, supérieur, par rapport à quoi, sur quoi on juge, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Donc je crois que ça c'était, et en plus ça a été tellement néfaste, hein, voilà. Et c'est vrai que maintenant, depuis maintenant un certain nombre d'années que je travaille sur Néandertal et que je fais quelques conférences, c'est vrai que là je dois dire aux gens, mais attention, ne tombez pas dans l'excès qu'on condamne au 19e, début 20e, en disant, oh, Sapiens c'est nul, il est zéro, on veut plus être Sapiens, on veut tout. C'est faux. Il faut faire très attention parce que vous tombez. Ça n'a pas de sens. On tombe d'un excès dans l'autre. Ça n'a pas de sens quand on me dit Néandertal est écologiste. Ça n'a pas de sens. Bah, Néandertal et tous ces chasseurs-cueilleurs nomades, rappelons que ces chasseurs-cueilleurs nomades. Ils n'avaient pas tellement le choix, hein, finalement. Voilà. Non, mais c'est même pas qu'ils n'avaient pas le choix. C'est que c'était leur vie. Ils sont dans la nature. Ils vivent avec elle. Ils prennent tout ce qu'il faut dans la nature. Alors justement, ils utilisent les plantes médicinales. Oui, ils ont une interrelation avec le monde animal. Je pense aux grands corbeaux, etc. Bien sûr, avec les rapaces durs, les grands corbeaux, donc ils vont prendre les plumes et les cerfs, mais qu'ils ne vont pas manger. Donc il y a des rapports, il y a des choses qui existent, qui sont très intéressantes. Et quand même, je veux dire, j'étais quand même très étonnée de voir que ce qui sort comme oiseau, enfin pas très étonnée, parce que c'est des oiseaux porteurs de symboles, mais comme les grands corbeaux ou les rapaces durs, les aigles. Vous imaginez, ça, c'est ces animaux, au cours de toute l'histoire, de tous les peuples, ça a été des oiseaux avec beaucoup de valeurs symboliques et qui ont été, par exemple, chez les peuples amérindiens, c'était quelque chose au niveau rituel très important. Depuis quand, je n'ai pas noté, depuis quand on sait qu'une part, même minime, c'est 2 à 4%, c'est ça, du génome des Eurasiatiques C'est 2010. Depuis la, 2010, la publication, c'est ça. Qui a été révolutionnaire, donc qui venait du Max Planck, c'est 2010. Et ça a vraiment bouleversé les choses, parce que là, c'était impensable. Comment voulez-vous? Et c'est vrai que je pense que le regard porté après sur Néandertal a changé, parce que pensez bien, si on a des gènes néandertaliens, on veut pas quand même avoir des gènes d'un inférieur, d'un demi-singe, etc. Je crois que ça a beaucoup sans vraiment appuyer sur les choses, inconsciemment, ça a beaucoup joué. Alors, un petit peu d'historiographie, hein, c'est-à-dire un petit peu d'histoire de l'histoire, si je puis dire. On a déjà consacré une émission, même deux, à l'abbé Breuil, ici. Mmh. On avait parlé de Boucher de Perthes, bien entendu, avec Claude Douce. Ce Marcelin Boule, si j'ai bien lu à travers les lignes de l'entrée que vous lui consacrez dans le dictionnaire, vous n'avez pas une folle amitié pour lui. Non, je n'ai pas ni aversion ni amitié. C'est-à-dire que, si vous voulez, on ne peut pas demander non plus. Il faut être, là, je pense que c'est un rôle d'historien et même donc de préhistorien. On ne peut pas, à une époque donnée, demander à des gens d'être différents de ce qu'ils ont autour d'eux comme connaissance. C'est-à-dire que, par exemple, on peut pas demander, avant que le développement de la théorie de l'évolution soit développé et soit admise, que les gens soient vraiment tous des évolutionnistes, qui pensent que tous, qu'il y a des ancêtres de l'homme, etc. Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Et à son époque, il était dans son époque. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il avait ce regard, un peu condescendant par rapport à tout ce qui précédait l'homme moderne, le sapiens. Donc je crois que il était un peu quand même le produit d'un certain nombre des présupposés du temps. Bien sûr, puis c'était quand même un très bon paléontologue. Mais bon, là, dans sa reconstitution, peut-être qu'il y a des choses qui l'ont échappé. Il a forcé un peu les traits. Mais il meurt seulement en 1942, hein, Marcelin Boule. Oui, c'était il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, il était directeur de l'Institut de paléontologie humaine, donc où il y a encore beaucoup de chercheurs actuellement. Est-ce que les chercheurs français sont très bien placés dans la recherche sur Néandertal, avec cette affaire de la découverte de la chapelle au sein, etc. On pourrait imaginer que nous nous sommes un peu réappropriés ce... Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux. Mais moi, j'aimerais bien sortir. Alors là, je parle pas que seulement des chercheurs. J'aimerais bien quand même dire aux éditeurs que les Néandertaliens, c'est pas qu'en France et c'est pas qu'en Dordogne. Ah, voilà, oui. Je veux dire, il faut faire attention. C'est aussi en Allemagne d'abord, peut-être. Quand oui, même. D'abord. Oui. Des fois, il y en a certains qui oublient. C'est-à-dire que les Néandertaliens, ils sont partout. Hein. Ils sont du Pays de Galles jusque dans l'Altaï. Ils descendent un peu à l'Ouzbékistan et le Proche-Orient. Et donc, on fait beaucoup de travaux, beaucoup de recherches en Europe centrale, en Europe orientale, au Proche-Orient. Donc, il y a plein. Il y a aussi l'Espagne qui a donné des résultats extraordinaires. Donc, voilà, c'est un grand espace géographique de recherche, puisque les Néandertaliens ont occupé tous ces territoires. Mais vous savez, l'année dernière, je commentais notamment la première étape du Tour de France qui démarrait, qui partait d'Allemagne, de Düsseldorf. Oui, il y avait toute une partie de l'étape qui était sur Néandertal. Et j'avais remarqué, ne serait-ce que par les animations que les agriculteurs locaux avaient organisées autour du personnage, si j'ose dire, de Néandertal, qu'il y avait une véritable tendresse de notre époque. Hein, C'est la même chose à la Chapelle au Sein. Je connais très bien, et il y a des gens formidables à la Chapelle au Sein qui essayent de faire vivre le musée, le petit musée et tout. Ils vont d'ailleurs maintenant s'agrandir. Et à la Chapelle au Sein, c'est pareil. Quand pour l'anniversaire des 100 ans de la découverte, les eaux étaient revenues à la Chapelle au Sein, c'était le retour du grand-père. Alors vous vous dites, bon, vous voyez, et tous les paysans justement du coin, tout le monde, c'était le retour du grand-père. Il a été reçu dans la chapelle, dans l'église de la Chapelle au Sein, et tout mis sur l'autel. Bon, il y avait vraiment une cérémonie et c'était un vrai attachement, donc à un ancêtre pour eux. Ils disent, c'est mon grand-père. Votre exposition, l'exposition Néandertal, a donc lieu au Musée de l'Homme jusqu'au mois de... quoi ? Jusqu'au 7 janvier 2019. 7 janvier 2019, voilà. Et il y a beaucoup de... Excusez-moi, je voulais insister aussi, il y a beaucoup de choses, je crois, pour qui vont nous saisir, j'espère, les visiteurs, mais aussi un parcours famille très important, parce que ce qui nous importe aussi, c'est que ça parle aussi aux jeunes et qu'ils trouvent un intérêt et qu'ils apprennent en s'amusant. Et les vacances de Pâques sont dans quelques jours. Oui, vous voilà. Vous en êtes, Marilène Patoumatis, co-commissaire avec Pascal Depape, et ça fait l'objet, bien sûr, chez Gallimard, en coédition avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, d'un très beau catalogue qui s'appelle tout simplement Néandertal. Alors, ça y est, nous sommes au cœur, dans le vif du sujet. On a très envie de le voir, ce documentaire que diffusera France 5 mardi prochain. Nous y venons avec les auteurs dans un instant. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de Néandertal jusqu'à 15h. Néandertal que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir, bien sûr, à la télé mardi prochain, le 10 avril à 20h50 sur France 5, grâce à Éric Pincas, qui est rédacteur en chef du magazine Historia, auteur de Qui a tué Néandertal, enquête sur la disparition la plus fascinante de l'histoire de l'humanité, paru chez Michalon, et Thomas Sirotto, qui est auteur et réalisateur de ce documentaire qui a tué Néandertal. Et vous avez conçu tout ça, Thomas Sirotto, comme une enquête. Après tout, historia en grec, ça veut dire l'enquête. Et c'est une enquête haletante, quasiment policière, même si en l'occurrence, c'est plutôt une enquête scientifique que vous nous donnez à vivre. Tout à fait, Franck. En fait, on a construit ce film exactement comme un thriller préhistorique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a pris le parti de dire, eh bien, si vous découvrez un squelette au fin fond d'une grotte, comment vous pouvez retrouver sa personnalité, son physique, son environnement, son quotidien, son habitat, et éventuellement comprendre les raisons de sa mort. Oui, et alors ces raisons, elles sont, nous l'avons bien compris, multiples en fait. Il n'y a pas un coupable. Alors je ne veux pas trop déflorer la conclusion du film, mais enfin... Ah, évidemment, nous on a voulu être le plus large possible, et puis aussi ce qui nous intéressait dans ce film, c'était de montrer Néandertal dans toute sa complexité, et que cet être n'était pas, comme le dit Marie-Hélène, justement un être frustre, un demeuré marchant comme un singe, hirsute, etc. Vous parliez justement de la chapelle aux saints. On montre justement dans ce documentaire l'illustration qu'en a fait le tchèque Kupka. Oui, oui. Et justement, et avec cette espèce d'énorme gourdin incroyable, d'un singe. Oui, oui, oui. Mais ça va marquer l'imaginaire de génération et de génération. Tout à fait, voilà. Mais on a lutté contre ça dans ce documentaire pour réhabiliter l'image de Néandertal. C'est et notamment grâce aux chercheurs belges qui nous ont fourni le squelette tout à fait, de oui. l'homme de Spi, et qui l'ont habillé et qui ont permis de montrer, grâce à leurs recherches, que le Néandertal marchait, courait exactement comme nous. On pourrait presque dire lutter contre l'image par l'image. Et rien n'est plus terrible pour un paléo-anthropologue que de devoir lutter contre une image qui est entrée dans l'esprit, notamment dans les jeunes esprits. Parce que, évidemment, ça figurait dans les manuels scolaires, etc. On a tous eu cette déformation, si je puis dire. Alors, ce qui vous a passionné, Éric Pincas, et c'est normal, c'est tout ce qu'il y a de plus nouveau dans les découvertes sur Néandertal. Parce que c'est un sujet sur lequel, quasiment chaque année, on découvre un nouvel aspect. Il n'y a quasiment pas 6 mois qui peuvent passer sans qu'on ait des nouvelles révélations sur ce personnage disparu il y a 39 000 ans. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Franck, il y a déjà cette histoire de datation qui revoit, j'irais... Ça, c'est pour les fondamentaux, si on peut dire. C'est les fondamentaux. Alors, c'est vrai qu'à l'échelle de la préhistoire, à l'échelle de la chronologie, 7, 8 000 ans ou 10 000 ans de moins, c'est pas non plus, vertigineux, mais dans un certain sens, c'est assez extraordinaire, avec les outils aujourd'hui de la paléogénétique, de voir avec quelle précision on peut aujourd'hui dater les choses. Donc ça, c'est un premier élément. Tout en se méfiant, ce que je dis toujours dès qu'on dit ça. Toujours. Parce que c'est vrai qu'on devient de plus en plus précis, mais on aurait tendance aussi à être peut-être un tout petit peu trop sûr de nous, de temps en temps. Bon, bref. Ce qui est intéressant aussi, là, ces toutes dernières semaines, on avait souvent l'image de Néandertal qui aurait appris beaucoup de choses de Sapiens. Sapiens serait arrivé en conquérant, en porteur de la culture, etc., etc. Et Néandertal s'en serait inspiré. On a appris, il y a quelques semaines, avec des nouvelles datations de peintures et de représentations pariétales dans des grottes espagnoles, qu'il y a 65 000 ans, eh bien, Néandertal était porteur, lui aussi, de ce savoir, de cette capacité à porter sur la paroi des grottes une forme de pensée symbolique. Et on l'explore dans le film aussi. Donc un artiste, presque. Tout à fait, un artiste qui peignait sur les murs des grottes. Alors, il ne peignait pas des formes, voilà, pas d'animal, pas... C'était pas un figuratif. Non, c'était pas un figuratif, il fait des traits, etc. Mais c'est bien lui, et c'est les premières peintures qu'on a découvertes. Michel-Laure Blanchet, d'ailleurs, je lisais un article à propos de ça, Michel-Laure Blanchet dit que c'est exceptionnel parce que ça va permettre aujourd'hui de revisiter les grottes françaises et notamment en Pyrénées pour voir si justement nos dessins dans ces grottes-là ne sont pas faits par Néandertal. Et puis il y a eu la découverte de cette espèce d'outil aussi en Bourgogne là, ça c'est assez étonnant. C'est... Vous parlez du couteau suisse, oui, du couteau suisse de la préhistoire. Alors ça on l'a retrouvé il y a 2-3 ans effectivement. Ouais. Ça démontre encore une fois les capacités, on a dit que Néandertal était d'une certaine manière le plus grand ingénieur de la préhistoire. Eh bien je confirme, j'enfonce le clou, on a même retrouvé une forme effectivement de couteau suisse qui faisait à la fois office de racloir, de grattoir, de lames très coupantes. Enfin, voilà, il avait cette manière de pouvoir donner à ses outils une forme de polyvalence. Et ça, c'est quand même extraordinaire quand on pense que c'était il y a 40 000 ans. Néandertal est vraiment un créateur, innovateur, quelqu'un qui va révolutionner et qui va aussi permettre des espèces de fulgurance créative. C'est-à-dire que la différence entre une invention et une innovation, c'est qu'une innovation, elle va se répandre. Et ça c'est Néandertal aussi. C'est-à-dire qu'il va permettre l'emmanchement. On a découvert que justement, Néandertal attachait ses pierres au bout de lance au bout de manche qui va lui permettre d'utiliser un outil beaucoup plus facilement grâce à de la colle, notamment en Moyen-Orient du bitume ou alors en Allemagne avec de la colle de bouleau. Mais aussi, il va être localement le créateur d'outils qu'on retrouve sur des sites uniquement bien plus tard, qu'on appelle à la période du paléolithique supérieur. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de voir qu'il avait une idée de quelque chose de nouveau et qu'il n'était pas laissé sur le bord de l'évolution. Oui, c'est ça, au contraire même. Alors, ça doit vous fasciner, ça, Marilène Patoumatis, de voir, d'entendre dans la voix de Thomas Surotto et d'Éric Pincas cette passion. Vous vous dites, ça y est, nous autres paléontologues, nous avons réussi notre coup. Et d'ailleurs, vous êtes allé loin, puisque vous êtes allé jusqu'à faire de la fiction sur Néandertal. Oui, voilà, bon. Je pense parce que ça permet un petit peu de dire des choses, surtout c'était avec les femmes, parce que vous savez, il y avait des femmes pendant la préhistoire, hein, je sais pas, il faut peut-être le rappeler. Ah oui. Donc, il y avait des Néandertaliennes aussi. Des femmes préhistoriques. Déjà, vous rendez compte, Franck. Et oui, et oui, parce que. Ce sont nos grands-mères. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est passionnant parce que je me rappelle mon premier ouvrage qui remonte maintenant à 2006. Néandertal, une autre humanité. Vous savez, il y a eu beaucoup de gens qui m'avaient dit, parce que j'avais pressenti certaines découvertes. Oui, peut-être. Et puis maintenant, en fin de compte, il y a plein de choses qui sont, ça s'est emballé, il y a plein de découvertes et tout. Et c'est beaucoup moins difficile de faire admettre qu'il est possible que Néandertal ait fait ça. Il ne faut jamais avoir raison trop tôt, mais quand on a eu raison, il ne faut pas, faut jamais manquer l'occasion de le dire quand même. Bon, voilà, de le dire et surtout de dire, vous voyez, il faut vraiment ouvrir le champ des possibles. Ne commencez pas à dire si quelqu'un a quelque chose un peu novateur, ne commencez pas à dire, tout ça c'est... Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et parce que la curiosité est très importante. C'est-à-dire, si vous commencez à dire non, c'est pas possible, vous allez pas voir les choses. Et quand on a commencé à dire Néandertal peut faire ça, d'un seul coup, on a trouvé sur les cerfs, par exemple, parler des rapaces, les traces de découpe des cerfs, etc., pour prendre. Et donc, je pense que c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité, et surtout ne pas passer en dire non, ça c'est pas possible, parce qu'on voit pas. Thomas Surotto, vous avez travaillé sur le livre, en fait, au départ, sur le livre d'Éric Pincas. Alors, le matériau de départ, tout à fait, du film, c'est le livre d'Éric. Donc, on n'a pas repris la trame narrative du livre d'Éric, qu'il a choisi. Vous avez rendu ça, tout ça plus télévisuel, en fait. Voilà, exactement. Hein. On a changé notre fusée d'épaule au niveau narratif, mais le départ, à l'origine du projet, c'est le livre d'Éric, tout à fait. Ouais. Et ce livre, ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque où il est paru, il pouvait paraître presque détonnant, et aujourd'hui c'est un des grands sujets, ça fait partie, on voit ça à la une de tous les magazines, etc. Néandertal est à la mode, je crois qu'on peut dire. Néandertal mania. C'est vrai. Et Néandertal mania. Après l'Égypte. Voilà. Pourquoi pas, mais après tout, je trouve que c'est intéressant, ça en dit peut-être assez long aussi sur notre époque, et sur le besoin que nous avons d'essayer de nous accrocher à quelques modèles aussi, probablement. Il y aurait beaucoup de, alors là, vraiment beaucoup d'ouvrages à citer, et notamment, on a reçu là ces 33 idées reçues sur la préhistoire d'Antoine Balzo et Olivier Marc Nadel aux éditions Belin. Allez voir l'exposition Néandertal, lisez le dictionnaire de Marilène Patoumatis et le catalogue de l'exposition. Relisez bien sûr le Qui a tué Néandertal d'Éric Pincas aux éditions Michalon avec France 5, parce qu'évidemment, vous avez profité de l'occasion pour rééditer le livre, c'est normal. Réactualiser le livre. Ouais. Et puis, mardi soir, annulez tous vos rendez-vous car vous serez devant votre téléviseur pour regarder France 5 et le documentaire de Thomas Sirotto et Éric Pincas. Je pense qu'on a... À 20h50, ben on aura tout dit. Hein. Merci Franck. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Un retour aux origines avec aujourd'hui une question que beaucoup d'auditeurs se sont déjà posées, j'en suis sûre, et moi la première. Pourquoi autrefois, Franck, les petits garçons étaient-ils habillés en petites filles sur les portraits peints sur toile? Ah oui, alors ça c'est amusant parce que souvent quand vous voyez les notices chez les commissaires priseurs, etc., vous avez portraits de fillettes, oui, etc. Alors et que ce sont des garçons. 9 fois sur 10, c'est un petit garçon. Mais parce qu'effectivement, jusqu'à l'âge de 4 ans, le petit garçon porte à l'époque une robe. Alors, quand les enfants sont petits, d'abord, ils sont emmaillotés, vous savez, avec des espèces de bandages, toute une layette. Bon, vers 2 ans, l'enfant est sevré, il commence à marcher, la layette évidemment n'est plus de rigueur et intervient ce qu'on appelle, on est là Moyen-Âge, début de la Renaissance, le robage, période durant laquelle les petites filles et les petits garçons vont troquer la layette pour cette espèce de robe qui est une robe unisexe et qu'on porte jusqu'assez tard. Alors plus on avancera dans le temps, à partir de la fin du 16e, début du 17e siècle, évidemment ça changera un petit peu, mais c'est une robe, si l'on peut dire, qu'on porte quasiment jusqu'à l'âge de 6-7 ans. C'est à 7 ans 7 ans, ce que l'Église qualifie à l'époque d'âge de discrétion. Aujourd'hui, on appelle ça l'âge de raison. L'âge de raison. Hein. C'est à ce moment-là que s'opère vraiment la distinction entre les deux sexes. Et à ce moment-là, les petits garçons, ça c'est très frappant, notamment au XVIIe siècle, c'est spectaculaire, s'habillent exactement comme leur papa. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition, il n'y a pas de vêtements pour enfants comme aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que vous passez sans transition de la robe à la tenue d'homme, tout simplement. Alors, des toutes petites tenues masculines, mais néanmoins des tenues d'hommes. Le caractère unisexe du vêtement d'enfant va donc induire beaucoup de confusion. Quand vous regardez un tableau, qu'il soit dans un musée ou qu'il soit dans une salle de vente, regardez-le de très près. C'est le visage de l'enfant qui vous dit si c'est un garçon ou une fille plutôt que sa tenue. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.